d'attitude, de route sur le bitume. Pour ce qui mène la vie dure, pendant que je taffe l'écriture. Laisse croire, on a besoin d'espoir. Je regrette mon pète, je regrette mon RS3. J'en alcoolisé, on cherche de la mise vers le bazar. J'ai revu un plan, on s'était croisé par hasard. J'ai croisé les Schmitt en Vespa, ils m'ont levé l'antiparasite. On sait ce que c'est être à pied, on sait ce que c'est manger du pain rassis. L'esprit, je vais la scier, canoncier dans ton gosier, petit fils de. Je me vends pas briller, je te remercie. Si tu m'en veux pas, c'est qu'on est quitte. Je veux reprendre rang comme le Libanais. Il est pas né, ce truc, il veut me canner. Doucement pas nous, on est pas comme vous, même si on fait que sans boucaner. Au mic, ma gorge s'enraye. J'mule sur vête, Galatasaray. Reste fort, si sur toi ça rit. Ici, sur ton dos, ça braille. Dans la caisse, on écoute de tout. Tu rap du funk ou même du rail. On a déraillé, on a déraillé. Mais on n'a pas tiré de rail. Imagine, imagine. J'pense comme une machine. J'taffe même quand j'ai l'angine. J'connais l'enjeu. J'regarde pas ta frangine. J'me dis que ça met la guigne. Même les képis font le signe. Tu veux de l'amour, y'en a pas. On aime les billets, les Yamaha. Gros gros son pour tous mes gars. Ah. Enjaillement, ils aiment ça. Ah. Et ouais, m'en bats les couilles. Ce qu'on dit de moi, ce qu'on dit de nous, ce qu'on dit de toi, ce qu'on dit de vous. On m'appelle le phénomène. Le sang, je te sens pas bien, dis-moi que c'est pas ça. Ouais, le sang, fais un je te trouve, shit, pas ça. Je suis à Massilia, à la musique, je suis lié. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon poteau, tu fais que crier. 45 AMG, j'aime pochon, tu suis tout jaune. J'fais cracher l'engin, j'aime ça depuis tout jeune. Frangine, frangine, tu es une machine, machine. Et j'imagine, imagine, tout c'est magique, magique. Si son cœur c'est de l'eau, j'vais naviguer dedans comme un bateau. Bientôt l'album gratos, j'vais faire bouger tous mes vatos. Imagine, imagine, j'pense comme une machine. J'taffe même quand j'ai l'engine. J'connais l'enjeu. J'regarde pas ta frangine. J'me dis que ça met la guigne. Même les képis font le signe. Maldit ta titre. De route sur le beat. Pour ce qui mène la vie dure. Pendant que j'taffe l'écriture. Maldit ta titre. De route sur le beat.